Rassemblés des illustrateurs, 9 illustrateurs, et ils font le portrait de 13 esclaves en fuite qui avaient été rapportés dans la Gazette de Québec. Et à travers donc des écrits, vraiment des archives, on peut les artistes, on peut imaginer un peu, reproduire et retranscrire leur portrait finalement. Exactement. Des personnes qu'ils étaient. C'est dans l'aérospatiale dans quelques instants. Merci Claire. Restez là à CKRL. CKRL, de la radio en tout genre, du lundi au vendredi. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKL 89,1. Ce soir, mercredi 17 avril, ici donc Claire Dumoulin au micro, en remplacement de Jean-Tiens La France. Au programme de l'émission, d'abord, on va s'entretenir avec l'artiste Ludovic Bonnet qui présente une exposition à la Galerie des Arts Visuels. Ensuite, je me suis entretenue avec le commissaire Carl Johnson concernant l'exposition d'Yvan Binet à la Maison Amel Bruno. Et au retour de la pause, en deuxième partie d'émission, Myriam Leland, la chroniqueuse de l'émission L'Aérospatiale, nous parlera de l'exposition Fugitif qui est présentée au Musée national des Beaux-Arts. Et l'émission se terminera sur l'agenda de la semaine. Ce soir, à l'aérospatiale, je m'entretiens avec l'artiste Ludovic Bonnet. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, avec moi en studio. Alors, il est là pour parler de l'exposition qui s'intitule « Rassemblement familial ». Elle est présentée à la Galerie des arts visuels sur le boulevard Charest depuis le 11 avril et jusqu'au 19 mai. Alors, Ludovic, donc tu es un artiste, un sculpteur. Oui. Issu de la communauté Huron-Wendat, et tu as terminé en 2002 une formation en sculpture à la Maison des métiers d'art de Québec. Et tu y enseignes d'ailleurs maintenant? Je n'y enseigne plus. Ah, c'est terminé, OK. Et puis, tu as participé à la fondation de Bloc 5, un collectif en sculpture. Oui. Et maintenant, tu es très connu pour notamment plusieurs œuvres d'art public. Et celle la plus récente, je crois, c'est celle au Musée national des Beaux-Arts. Pas la plus récente, mais peut-être la plus connue. Oui. Et puis, donc cette fois-ci, c'est à la Galerie des arts visuels. C'est une exposition donc, qui présente vraiment une installation immersive et qui présente aussi un parcours. Imposé quand même, hein? On n'a pas trop le choix de se faufiler, de cheminer dans un abri temporaire. Je te laisserai la décrire, cette œuvre-là, cette installation-là. Ben, en fait, c'est un abri tempo qui fait 11 pieds par 8 pieds de haut par 32 pieds de long. Quand on rentre dans la galerie, tout ce qu'on voit, c'est l'abri temporaire. Puis on est amené à rentrer par une de ses extrémités, par une porte. Puis on arrive dans une petite pièce, puis il y a une autre porte, puis une autre porte, puis une autre porte. Ça se répète 5 fois, il y a 5 pièces. Puis après on sort de l'abri, puis on est dans un autre endroit, encore une fois, qui est clôturé. Puis il y a une table avec une installation audio de Yannick Plamondon. Ah, donc une collaboration qui a eu lieu là. Et l'audio aussi, est-ce que c'est une première fois de l'intégrer? Parce qu'il y a aussi... Maintenant, je ne sais pas si on peut révéler un peu tous les dispositifs, parce qu'il faut quand même laisser un suspense. Parce que quand on arrive, on pénètre dans l'espace, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Parce qu'il y a un autre abri à côté du plus imposant qui présente des vidéos de surveillance. Et c'est pas nécessairement qu'on fait le lien que c'est les vidéos de surveillance de l'espace à l'intérieur de l'abri Tempo. Non, parce qu'à l'intérieur de l'abri, c'est tellement modifié, puis scénographié par Julie Lévesque, qu'on se sent plus dans un abri temporaire. En fait. Non, pas du tout. La température varie. N'est-ce pas? L'olfactif est stimulé parce que c'est vraiment des ambiances complètement différentes. Je veux laisser un peu les suspenses, vous comprendrez. Et on trouve énormément d'objets trouvés. Hein. On te connaît pour des structures que tu conçois, des formes que tu produis. Et là, on est vraiment dans l'objet trouvé qui est assemblé et on sent un peu des gestes poétiques. Avec le choix des espaces, puis parce qu'on est dans l'univers domestique, là, un espace qui est affecté à la nourriture, un espace de rangement, pour ne pas nommer un grenier. Oui. Et ça, tu sais, c'est la poétique de l'espace, c'est le grenier, c'est plein de choses. Et ensuite, un garde-robe, un placard, une salle de bain. Ouais. C'est vraiment très, très, très surprenant. Où est-ce que tu voulais nous amener le visiteur avec ces ambiances-là? Ben, probablement dans des souvenirs, qui est aussi dans des souvenirs qui passent beaucoup par l'odeur, comme tu as mentionné. La plupart des salles y ont une odeur, donc ça nous ramène vite à... Ça nous rappelle très rapidement des souvenirs. Puis après, t'as les contraintes aussi physiques, puisqu'il faut monter des choses, en descendre, puis ou se pencher, enjamber. Puis c'est ce qui amène l'autre abri, ça, les contraintes physiques. Ça fait plusieurs fois que je fais des parcours où les gens sont amenés à monter sur des structures, puis ou marcher sur des choses plutôt désagréable. Puis c'est pas très fonctionnel pour les gens à mobilité réduite, ce qui me fait souvent réfléchir. Donc là, c'est peut-être un geste qui était... je sais pas c'est quoi le mot. Mais du moins, j'ai fait l'abri tempo avec le plus petit, avec les caméras, pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, pour au moins pouvoir donner un aperçu aux gens à mobilité réduite. C'était la première intention. Okay. Mais après avoir fait ça, le tu te rends compte que ça apporte tout un autre côté aussi à l'œuvre, les caméras avec la surveillance dans une maison privée. Tu te vois, les gens te voient en train de regarder des choses qui te rappellent des souvenirs. Parce que ça apporte une autre lecture. Oui, c'est intrusif. Et puis, on franchit une porte, c'est noir aussi, c'est de l'obscurité. Et il y a un déclenchement, donc on fait confiance à l'œuvre, on fait confiance que la lumière va se déclencher. Puisque aussi, parfois, c'est des espaces très, très exigus. Et là, on est face à face souvent avec la caméra. On est dans les yeux avec la caméra. Donc, on peut imaginer notre image projetée, mais on ne la verra jamais. Mm. Donc, tu mets au défi un peu le visiteur dans son parcours, là. Oui, oui. c'est fort intéressant. Et est-ce que... l'accumulation d'objets, est-ce qu'il y avait un commentaire par rapport à la consommation ou la surabondance matérielle? Est-ce que c'était aussi une des pistes? Ou... Ben, oui, par la force des choses. Dans ma démarche, j'accumule toujours des choses, mais comme tu as dit tantôt, qui sont construites ou conçues par moi. Là, cette fois-ci, c'est plus des choses de consommation courante. Puis oui, il y a un discours de sur... C'est juste des endroits où on range, hein, puis ils sont pleins de choses. Qui peut-être que c'est des choses que, vu que c'est pas des endroits, les pièces, c'est pas des endroits où on vit, ça veut dire que ces choses-là, à part nous rappeler des choses, servent à rien. Et puis, par rapport au titre « Rassemblement familial », il y a donc ça pointe vers l'idée de la famille. Il y a une salle de bain avec la baignoire pleine de bottes, hein, le classique des réunions familiales hivernales. On ne sait plus où les mettre, les bottes. Alors, qu'est-ce que... Puis la piste audio aussi, à la fin, nous amène vraiment à imaginer cette présence-là. Qu'est-ce que tu voulais nous faire réfléchir par rapport à la famille? Il y a aussi l'étui, là, qui est le garage, qui me fait quand même beaucoup penser à la maison longue. Donc, il y a l'idée de temporaire, de la famille. Quand on se rassemble, quand j'étais petit, du moins, j'allais dans le garde-robe. C'est l'idée du souvenir des rassemblements familiaux aussi. Puis j'aimais bien l'idée de la maison longue qui est temporaire, contemporaine, avec les choses du passé à l'intérieur, de la culture plus québécoise. C'est comme un mix que, dans le fond, on a tous les mêmes souvenirs. Et donc, aussi un contraste formel avec l'univers extérieur qui est tout blanc. Ça, c'était intentionnel aussi dans le choix après du mobilier. Ben, la galerie est toute blanche, même le plafond, les planchers aussi. Donc, l'abri est tout blanc, les clôtures sont toutes blanches, le mobilier est blanc. Oui, ça, c'est la sculpture. Oui, c'est un choix. Et donc, puis les moulages, et les moulages donc aussi dans pour le rangement alimentaire, il y a des objets quand même qui sont façonnés par toi? Par Julie Lévesque et deux autres personnes, Marie-Claude Drelet puis Nicolas Maisonneuve. Ok, donc vraiment une œuvre quand même collective, c'est d'une famille d'artistes un peu, si on peut dire. Je fais des liens. Alors, mais merci beaucoup en tout cas, Ludovic, d'être passé en studio, nous parler de cette exposition qui est à la Galerie des Arts Visuels, qui est une expérience immersive qui nous amène ailleurs par rapport à tes compositions en art public, comme celle aussi qui est près de l'hôtel de ville ou d'autres que les gens à Québec connaissent. Là, mais merci beaucoup. C'est présenté jusqu'au 19 mai. Et puis, est-ce qu'il y a... T'aimerais rajouter quelque chose? Merci. Merci beaucoup. On invite donc les visiteurs à s'y rendre. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels. Donc, après cet entretien avec l'artiste Ludovic Bonnet, maintenant, on se penche sur le travail d'Yvan Binet, un photographe qui présente à la Maison Amel Bruno l'exposition « Voyager de regard, revisiter le paysage ». C'est jusqu'au 2 juin et j'ai pu m'entretenir avec le commissaire Carl Johnson qui donc a mis en espace cette exposition. Je lui ai demandé d'essayer de résumer l'exposition, c'est un exercice ardu, mais on l'écoute pour voir qu'est-ce qu'il en retourne de cette exposition. Une façon de résumer cela, c'est de se ramener au titre, en fait, de comprendre que Yvan travaille beaucoup à inventorier un paysage, à revisiter, revoir, donc voyager du regard, redessiner le paysage. C'est un peu l'approche d'Yvan au fil des années. Et je dirais qu'à quelque part, ce que j'ai cherché à faire, c'est de faire un parcours dans la carrière d'Yvan, dans les œuvres d'Yvan, pour retracer les œuvres qui à quelque part qui répondent bien à cette volonté de transmettre un paysage d'une certaine manière, un paysage imaginé, un peu fantasmé aussi, parce que c'est un paysage qui n'est pas toujours existant, et parfois c'est un paysage qui est magnifié. Il y a deux œuvres particulièrement là, qui, à mon avis, là, résument assez bien la vision que j'avais là, du travail d'Yvan. En fait, c'est Ciel Flèche, tout de suite en entrée dans la première salle, la salle d'accueil, il y a un grand horizon de réflexion, justement, de paysage. Et une autre œuvre qui est Vase Montagne, Rivière-Madeleine, qui est une œuvre qui synthétise assez bien comment Yvan travaille, puis comment Yvan joue avec la matière qu'on appelle le paysage, qui est pour lui une matière et non pas une chose sacrée, mais vraiment du matériel pour concevoir, à partir de son imaginaire, un parcours à travers tout le Québec. Et donc, vous l'avez peut-être senti, donc c'est une exposition qui nous plonge dans le paysage. C'est la photographie travaillée donc par collage, la photographie aussi argentique, numérique, parce que c'est vraiment une rétrospective sur le travail. On parle de 27 ans de pratique, de 91 à aujourd'hui. Et c'est donc les séries sur les patinoires sont là, sur les mines. Il s'est rendu voir aussi les chutes, des points de vue vraiment à couper le souffle. Et différents aussi, une espèce de survol du Québec. Et la série sur les répliques des tableaux de Krieghoff. Donc vraiment des magnifiques œuvres. J'ai demandé à Carl Johnson des précisions donc sur cette notion de paysage magnifié. Puis je lui ai aussi demandé sur les techniques qu'Yvan Binet emploie. Les vases montagnes particulièrement, ce sont des œuvres là, où justement le paysage a été trouvé tel quel, mais où il est simplement reproduit et réfléchi dans un plan d'eau, ce qui fait qu'en inversant l'épreuve argentique, donc de la délaissant l'horizon, de le mettre à la verticale, ça donne cet effet de vase. Mais je pense aussi beaucoup au Krieghoff, entre autres, aux répliques d'après Krieghoff, puis aux lignes d'horizon, en fait. Donc, toute la série des répertoires d'horizon, les grandes bandes photographiques, où on voit justement des assemblages de paysages, où on voit ce rapport du photographe qui construit déjà dès la prise de vue une intention et qu'il développe par la suite, soit en laboratoire, soit à partir d'ordinateur. L'argentique est moins présent parce qu'évidemment, c'est plus compliqué, plus difficile aussi. Et le numérique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une manipulation. Dans certains cas, c'est la prise de vue qu'on voit telle qu'elle. Je pense aux clairs obscurs, les deux clairs obscurs, puis aussi aux chutes de Jean Rose, entre autres, où là, on peut percevoir. En fait, c'est ça qui est intéressant dans l'exposition, c'est que moi, j'aime, d'une certaine manière, semer le doute un tout petit peu dans les yeux du visiteur. Se poser la question, est-ce que c'est un paysage trouvé tel quel qu'on voit présentement sous nos yeux, ou c'est quelque chose que l'artiste a manipulé? Et c'est tellement des angles inhabituels, des rendus inhabituels, une approche du paysage qui est très singulière, qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser quand on est devant une œuvre d'Yvan Binet. Et le parcours dans l'exposition nous amène à explorer ces différentes périodes, ces différentes approches au paysage. Il y a une forme de chronologie. La première salle nous fait découvrir un peu les premières années d'Yvan Binet et c'est très contrasté en noir et blanc avec des jeux d'échelle. On parle même d'images fondatrices. Je laisse Carl Johnson, le commissaire de l'exposition à la Maison Amédée Bruno, en parler. Les premières années, là, de 91 à 95, à peu près 96, c'est un peu la genèse de l'approche d'Yvan en photographie. Là, on est à la fois dans des paysages qui sont bricolés, donc conçus à partir de découpes de photos d'une certaine manière, ou en chambre noire, mais aussi qui ont du relief. On en a deux exemples. En fait, une œuvre qui est une émulsion sur bois et une autre qui est une impression argentique, une épreuve argentique sur support, mais en relief. Alors là, on est dans une démarche là, qui s'inspire un peu du relief et du sculptural d'une certaine manière, parce qu'Yvan travaillait, s'inspirait et jouait dans ce rapport-là de l'espace dans les premières années. Et à travers tout ça, on a aussi des un peu ce que j'appelle comme des portraits, d'une certaine manière, des espèces de grandes photographies où on voit une feuille ou un arbre et dans certains cas des plantes menacées ou de disparition, à petite ou à grande échelle, avec Anatomo, la série Anatomo également, donc Surveillance de nuit, Anatomo et Serresenia. C'est vraiment des images qui sont fondatrices de ce comment Yvan veut aborder le paysage et que toute l'approche du numérique lui a permis d'ouvrir davantage. Alors, quelques mots sur le commissaire. Il s'appelle Carl Johnson. Il a réalisé plus de 50 expositions en art contemporain et il a assumé la direction, la réalisation de nombreuses publications. Il y a d'ailleurs un catalogue qui est disponible en consultation à la Maison Amel Bruno parce que les œuvres, une partie en fin de cette rétrospective avait déjà fait l'objet d'une exposition au 1700 rue La Poste à Montréal. Mais c'est vraiment autre chose cette fois-ci. J'ai essayé de lui demander quelle était son approche dans le commissariat, bien que les commissaires souvent s'effacent un peu parce que l'idée c'est vraiment de laisser toute la place au travail de l'artiste et de le mettre en valeur le plus possible de la façon la plus pertinente. Donc je lui ai demandé aussi quels étaient les défis et les avantages de la mise en exposition dans une maison patrimoniale. Vous le savez, la maison Amel Bruno, c'est un cottage anglais avec plusieurs pièces d'émoulures et un plafond qui n'a pas la même hauteur que le Musée national des Beaux-Arts, par exemple. Alors je laisse expliquer sur ces questions-là. Une chose que j'aime beaucoup, c'est une approche qui met en valeur la singularité des pratiques, un peu le clin d'œil, un peu le rire en coin, un petit peu de narquois, un petit peu nargueur en même temps, donc de narguer le visiteur avec des œuvres qui questionnent, qui changent notre perception du paysage. Je pense aux patinoires qui sont à la fois des œuvres d'une représentation très réaliste de ce qui était une patinoire ou du moment où la glace a fondu, et un discours en même temps sur l'abstraction, la peinture d'une certaine manière, parce qu'il y a des formes, des lignes, il y a un langage qui ressemble au langage de la peinture abstraite. Fait que moi, j'aime ça, établir des rapports comme ça et lancer des occasions de percevoir différemment les choses auprès du grand public. Je vous dirais aussi que ma propension à me tourner constamment vers le public et non pas à me faire plaisir à moi ou à l'artiste, mais vraiment à travailler, je me sens entièrement dédié au plaisir que le visiteur va avoir en se promenant en galerie ou en salle. C'est ma grande préoccupation à travers tous les commissariats que j'ai pu réaliser à ce jour. Ce qui est intéressant avec la Maison Amel Bruno, c'est que c'est un contexte qui est exceptionnel et très enrichissant d'ailleurs. C'est un contexte qui permet de présenter des œuvres à une échelle complètement différente des salles épurées, la plupart des galeries et centres d'exposition qu'on a au Québec ou ailleurs dans le monde. Et c'est une architecture très typée, très, très marquée par ses qualités plastiques. On le voit bien dans l'espace. L'élément intéressant, c'est qu'il n'y a aucune contrainte ou à peu près pas de contrainte d'accrochage, contrairement parfois à certaines maisons ou lieux davantage protégés, où là, il faut contrôler toutes des façons d'accrocher pour éviter de percer ici et là. Alors que là, il n'y a pas de contrainte d'aucune. Donc, on sent pas que c'est que la maison constitue une contrainte à réaliser un projet, mais plutôt un angle différent, puis jamais un défi à quelque part, un défi d'échelle notamment. Alors, c'était des extraits d'un entretien avec Carl Johnson, le commissaire de l'exposition « Voyager du regard, revisiter le paysage » du photographe originaire de la ville de Québec, Yvan Binet, qui est actif et travaille à Québec aussi. C'est à la maison Amel Bruneau, qui est au 2608 chemin Saint-Louis, et c'est présenté jusqu'au 2 juin. Au retour de la pause publicitaire, je m'entretiens avec la chroniqueuse Myriam Leland à propos de l'exposition « Fugitif » au Musée national des Beaux-Arts. CKRL 89.1. Au cœur du numéro du printemps de Nuit Blanche, l'imaginaire de la Côte-Nord, ce pays dans le pays qui transforme ceux qui s'y aventurent. Prenez la 138 avec Jean Désy. Que grondent les cataractes et la mer agitée de Rivière-au-Tonnerre jusqu'à Magpie. Aussi, des textes de création d'Éric Assoucy et de Noémie Pomerleau-Cloutier, un hommage à Joséphine Bacon par Michel Plot et Gilles Vigneault par Denis Lelièvre. Abonnement, actualités littéraires et plus dans nuitblanche.com. Connaissez-vous le magazine Continuité? C'est une revue qui s'intéresse aux traces du passé, qu'il s'agisse de bâtiments, d'objets ou de documents. Ces témoins se trouvent au cœur d'histoires passionnantes que le magazine raconte avec enthousiasme. Continuité traite aussi des paysages et de l'aménagement du territoire, des traditions et des savoir-faire ancestraux. Mais ce n'est pas tout. En plus de faire découvrir ce riche héritage, le magazine aborde les enjeux d'actualité qui le touchent. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le patrimoine québécois, le magazine Continuité est pour vous. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Le resto est officiellement fermé. Yeah, je pense que ça mérite un verre. Quelqu'un a vu le couteau du boss? Une vie humaine est vraiment aussi fragile et éphémère que la rosée du matin. Tant qu'il est encore en vie, je ne peux pas partir avec toi. Achève cet homme. Tu es un homme. C'est pas un aussi grand travail que vous pouvez imaginer. Je suis dans les ténèbres maintenant. Le boss est certain d'avoir laissé son couteau ici. Là. Personne ne l'a vu. Premier acte, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et la Tralée, présente Rachaumont, un théâtre d'objets du 14 avril au 7 mai, du dimanche au mardi à 18h au bar La Cuisine, 205 Saint-Vallier-Est. Pour information et réservation, premieracte.ca. Dans le cadre de la modernisation de l'industrie du taxi, votre gouvernement propose de bonifier l'aide offerte grâce à une redevance sur chaque course. Les propriétaires de taxis recevraient des aides financières équivalant au coût d'acquisition de leur permis. Par exemple, une personne qui a payé 90 000 $ pour son permis se verrait accorder à terme le même montant. Une industrie équitable et moderne. C'est cela l'avenir du taxi au Québec. Pour en savoir plus, visitez le transport.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. We'll be right back. Alors, de retour à l'aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. Je suis en compagnie de Myriam Lelard. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Claire. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, on parle de l'exposition Fugitif au Musée national des beaux-arts du Québec. Oui, exactement. Bien, en effet, c'est une exposition, mais c'est surtout une installation temporaire au sein d'une exposition qui existe déjà. Puis je prends la peine de le spécifier parce que ça peut changer notre perspective un peu de l'installation. On en discutait justement pendant la pause, là. C'est un projet de Webster, dont t'en parlais en introduction d'émission, justement, qui est un artiste hip-hop et historien qui se passionne pour justement l'histoire de la présence de la communauté noire sur le continent américain, là, parce que ça va vraiment de la Nouvelle-France à aujourd'hui. Puis, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que Webster, comme on dit, c'est un petit gars de Québec qui a grandi à Limoilou aussi, d'origine, avec une mère d'origine sénégalaise. Donc, on comprend aussi pourquoi ça peut être encore plus important pour lui, là, cette branche-là de l'histoire qui, avouons-le, est assez... c'est une branche qui est coupée, en fait, là, qui est camouflée de notre histoire. C'est vraiment omis, en fait. Là, on n'apprend pas du tout ça. La présence de l'esclavagisme au Québec, la présence noire aussi avant les immigrations plus récentes, justement, alors que c'était bien présent. Puis justement, le fait d'intégrer ces œuvres-là à la salle de l'art historique, l'art ancien du Musée national des beaux-arts, permet de mettre ça en contexte aussi. Là je devance le oui, tout. Alors, là. Quelle était la prémisse, donc la proposition de Webster, quelle est-elle? Donc, Webster, en fait, il est tombé sur des descriptions d'esclaves fugitifs vers le 18e siècle. C'est des annonces, en fait, pour retrouver ces esclaves-là qui étaient... disons-le, là, c'était des annonces Kijiji pour retrouver un bien matériel, là, parce qu'ils étaient clairement pas considérés comme des êtres humains. Là. C'est assez choquant de lire ces descriptions-là. Donc... Oui, et puis la rançon, c'est ce qu'on dit, c'était 4 piastres, oui, comme c'est on ça. Disait. Quelle aberration, enfin. Oui, c'est ça. C'est vraiment... en fait, ces descriptions-là, c'était publié dans les journaux de l'époque, donc la Gazette de Québec, Gazette de Montréal. Puis, en fait, c'est les propriétaires qui demandaient justement qui offraient une compensation pour les personnes qui allaient trouver ces... J'ai comme de la misère à le dire, mais ces choses-là, parce que pour eux, c'était des choses. Donc, c'est ça, ce sont des descriptions assez déshumanisantes des esclaves de cette époque-là. Puis, on a des descriptions assez détaillées, en fait, parce qu'ils veulent vraiment les retrouver. Hein? Donc, description physique, description des vêtements lorsque l'esclave a quitté la propriété de son... maître, dis-je en faisant des guillemets dans les airs. Donc, en fait, Webster se disait, justement, il n'y a aucune représentation de cette communauté noire-là, de cette communauté d'esclaves-là dans l'art. Il n'y a aucune représentation visuelle, mais la seule représentation qu'on a, ce sont ces descriptions-là, justement. Donc, lui, il a eu envie de faire un pied de nez à l'histoire un peu, puis d'intégrer des images de ces personnes-là, justement, dans l'histoire de l'art. Puis c'est assez parlant, justement, que ce soit dans la salle qui s'intitule « Devenir » du pavillon Gérard Morisset. Ça faisait partie du redéploiement des collections là, qui s'est redéployé, justement, l'automne dernier. Puis cette salle-là, en fait, quand on entre, ce sont surtout des portraits. Puis on s'entend que les gens qui se faisaient portraiturer, c'était des gens de famille assez aisés. Donc, c'est des gens qui ont probablement eu des esclaves eux-mêmes ou qui proviennent de familles qui ont eu des esclaves puis qui ont encouragé ce commerce-là, le commerce humain, là, dans le fond. Donc, c'est quand même assez intéressant de mettre en relation les personnes une portraiturée sur des beaux tableaux avec des fioritures, des beaux cadres et tout, puis d'avoir ces illustrations-là faites par des illustratrices, des illustrateurs, 9 en tout, en fait, qui ont fait ces 10 dessins-là, vraiment de type BD, là. Donc, c'est imprimé, c'est une belle impression tout de même, mais c'est imprimé sur papier et accroché directement au mur sans que ce soit encadré. Donc, il y a quand même un clash entre les deux types, que ce soit les deux types d'art ou que ce soit les deux types de personnes dans ce cas-là aussi. Non? Oui, et le fait que les portraits soient à taille réelle, oui, ça apporte aussi parce qu'on les regarde quasi dans les yeux. Oui. Et c'est vraiment le processus, c'est pour rendre, humaniser ces extraits d'archives-là, vraiment les transposer autrement. Puis, on est dans la salle devenir, hein, donc oui. ces gens-là qui sont en cavale, ça aspire à devenir une autre personne qu'une esclave, et donc ils veulent se réapproprier leur destinée. Donc, il y a vraiment, c'est une richesse de sens, puis, mais c'est à la fois hyper ludique, c'est ce que la BD nous amène. Ça. Ben le projet Fugitif, en fait, de la manière qui a été apportée au musée, c'est vraiment un projet de médiation et non d'exposition. Donc, ça a l'air un peu technique comme ça, mais c'est vraiment un projet pour engager les gens avec une exposition. Puis, depuis l'année dernière, ça commence à bouger beaucoup au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Puis, on voit cette volonté-là, parfois peut-être maladroite, mais là, je trouve que ça s'est vraiment bien manifesté de vouloir être plus inclusif, de changer les choses un peu. Oui, les œuvres qu'on a dans la collection vont rester les mêmes dans cette collection nationale-là. Par contre, il y a toujours moyen de changer le regard sur ces œuvres-là. Puis, je trouve que Fugitif, c'est un projet de médiation qui permet vraiment d'entrer en dialogue avec les œuvres d'une manière autre que « wow, c'est beau, wow, c'est une personne importante », de voir l'impact que ça a eu sur l'histoire. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Définitivement. Donc, c'est de faire une plus grande place aux communautés culturelles, aux artistes, donc issus de ces communautés-là, des femmes, des minorités. Donc, de vraiment que ça soit, les collections représentent vraiment le Québec et puis la réalité nord-américaine dans toutes ces histoires. Hein? Exactement, oui, c'est ça. Puis on l'a déjà dit, mais je pense qu'on le répétera jamais assez, c'est vraiment d'humaniser ces personnes-là qui ont été décrites et qui ont été traitées comme des objets. Puis, en fait, dans la représentation, dans l'imaginaire collectif, l'esclave, en tout cas pour moi, puis je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes, c'est des films comme Free State of Jones, comme 12 Years a Slave, c'est des victimes qui se font massacrer, puis on a de l'empathie pour eux, mais en même temps, c'est toujours des personnes complètement impuissante, alors que là, on présente ces personnes-là comme des combattants. Il y a une personne, en fait, parce que c'est vraiment des humains qui ont existé, qui s'appelle Joe, parce que les noms sont mis dans les annonces, justement, là. On se doute que ce sont des noms qui sont changés aussi à l'arrivée des esclaves en Amérique, là, parce que c'est bien trop compliqué d'essayer d'apprendre les noms d'origine. Donc, on va comme franciser ou américaniser les noms. Donc, ce Joe-là, je connais pas le nombre exact, mais je sais que Webster mentionnait qu'il s'est sauvé, c'est l'esclave qui s'est sauvé le plus de fois en Nouvelle-France. Donc, à chaque fois qu'il était, que ce soit avec le même propriétaire ou qu'il passait d'un autre propriétaire, de son propriétaire à un autre, ben il s'est sauvé de multiples fois. Donc c'est vraiment des histoires de courage, puis de justement de ne jamais lâcher, puis de continuer à être humain malgré cette victimisation là puis je trouve que c'est quand même intéressant le choix de l'illustration de BD, parce que surtout avec l'esthétique qui a été choisie, ce sont 9 illustrateurs et illustratrices différentes, mais ils ont toute cette esthétique-là à la Marvel, un peu, qui est l'esthétique du super-héros. Mm-hmm. Fait que là, on met des victimes à l'état de super-héros avec un art qui a de la difficulté à se faire considérer comme un art. Puis là, on met sur le même pied, sur un pied d'égalité, que ces beaux portraits baroques-là, par exemple. Donc, je trouve que c'est vraiment des choix qui parlent énormément. Je pense qu'il n'y a rien qui est anodin dans la disposition de cette installation-là. Donc, oui, c'est ça, des figures qui apparaissent vraiment dans l'action. plutôt que des portraits très statiques, très soporifiques parfois. C'est parce ça. Qu'on sait que les gens qui ont posé posent pendant des heures devant le peintre, oui. Et puis ça peut être un peu quoi là ça. Mais là, on est dans des figures d'action, oui. Ils sont en déplacement, ils sont debout, ouais. Ils sont pas vulnérables, ils vont vraiment vers une vie meilleure. Puis on le voit dans leur regard dans aussi, qu'il a la volonté, là, on n'est pas du tout justement dans l'apitoiement, la victimisation, puis on voit plusieurs éléments, ces images là raconte vraiment l'histoire qui est écrite dans chacune des annonces pour retrouver là, des annonces de disparus justement là. Puis sincèrement en prenant la peine de lire chacune des annonces là, j'avoue que j'ai la larme qui m'est venue à l'œil là, une petite larme de rage là. On se dit ouf, on parle d'êtres humains ici, c'est assez étonnant. Puis faut pas oublier que l'esclavage c'est pas terminé là. On pense que on est moderne et tout là, on en parle peut-être un peu moins, mais c'est pas terminé. Il y a encore des gens qui se font traiter comme ça. Là. En fait, c'est un projet qui est super en lien avec tout ce que Webster fait aussi, en même temps que le lancement du projet Fugitif. Il y a eu le lancement aussi de son livre jeunesse qui s'appelle Le grain de sable. C'est un livre qui est un peu sur la même thématique. Ça raconte l'histoire d'Olivier le Jeune, en fait, qui est le premier esclave au Canada. Puis il aborde plusieurs thématiques, mais c'est vraiment un livre jeunesse. Donc, pour faire justement de la médiation, pour intégrer ces histoires-là à l'histoire qu'on apprend aux enfants, que nous, on n'a peut-être pas eu la chance d'apprendre justement à l'école. Puis peut-être qu'après la pause, je pourrais te parler un peu de d'autres projets de Webster qui viennent en lien avec Fugitif justement, puis parler un petit peu plus des illustrateurs qui font partie du projet. Très bien, donc on en reparle après la pause musicale. La pause musicale, donc c'est la sélection est toujours une sélection réalisée par Simon Roy. Alors, on parlait donc de l'exposition Fugitif au Musée national des Beaux-Arts en compagnie de Myriam Leland. Alors, Myriam, qu'est-ce que... On parlait aussi du livre de l'album Jeunesse, donc. Oui, c'est ça qui est, comme je disais, un livre jeunesse qui permet de faire la médiation avec l'histoire, en fait, du premier esclave au Canada, en Nouvelle-France, donc Olivier Lejeune. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que c'est illustré par une des illustratrices qui fait partie de Fugitif. Donc, on voit que ce sont vraiment des projets qui sont en lien les uns avec les autres. Puis, j'en profite pour rappeler aussi, ça fait déjà un bon moment que ça roule, mais ouais, Webster avait parti un projet justement de visite à travers la ville de Québec, mais sous le thème de l'esclavage. Donc, on a plein de visites touristiques différentes à Québec, mais celle-là est assez intéressante pour ça. Puis les guides sont assez expérimentés aussi. La saison n'est pas encore commencée, mais ça peut vraiment valoir la peine de surveiller ça pour cet été en gardant l'exposition Fugitif en tête, là, parce que ça se termine le 10 mai. Donc, on a encore un peu le temps d'aller la voir. Puis, on a dit beaucoup de choses sur Fugitif. Pour récapituler un peu, comme on disait, c'est 10 dessins de grandeur nature, faits par 9 illustratrices et illustrateurs. Puis, c'est des dessins qui représentent 13 esclaves fugitifs militants différents. Puis, je trouve ça quand même assez important de nommer ces esclaves-là parce qu'on n'arrête pas de parler de la réhumanisation. Donc, on va leur donner des noms. J'ai parlé de Joe tantôt. On a André, Lowkins, Bell, Jack, Jacob, Nemo and Cash, Ismaël, Beth, Robin, Lydia et Jane. Puis toutes ces belles personnes-là combattantes ont été dessinées par les artistes, les illustrateurs, illustratrices. On a Paul Bordelot, D. Mathieu Cassendo, JF, M, Malicious, Caroline Soucy, Richard Valran, Valmont que je mentionnais avec l'album Jeunesse, puis Amel Zaza. Donc moi, c'est vraiment un coup de cœur cette installation-là. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que ce soit aussi gros pour une si petite installation, même en entendant parler au musée, là, les gens s'attendaient peut-être pas à l'impact que ça aurait, justement. Parlant de coup de cœur, je sais que toi, t'as visité l'exposition de la Villa Bagatelle. Peut-être t'aurais envie de nous en parler un petit peu? Oui. Alors, c'est un peu dans le même esprit laboratoire, puisque pour une des rares fois, moi, c'est la première fois que je vois ça, la Villa Bagatelle, l'exposition est présentée avec les fenêtres dévoilé. Alors, wow. Tout l'espace architectural est transformé. La Villa Bagatelle, vous la connaissez peut-être, c'est une autre maison patrimoniale du réseau des maisons patrimoniales de la Ville de Québec. Des espaces qui sont donc acquis par la Ville de Québec, comme la maison Amel Bruno, et qui présente une architecture qui est vraiment notable, c'est-à-dire que là, on est dans un cottage anglais qui date de 1848. Bon, il a été vraiment un peu reconstruit parce qu'il y avait eu un incendie, de l'abandon, tout ça. Mais bref, c'est d'après les plans d'origine. Ça faisait partie de Spencer Wood, etc. Et pour l'occasion de la manif d'art, et selon les exigences du commissaire Jonathan Watkins, on a dévoilé les fenêtres qui sont de tous bords, de tous côtés. Les cottages anglais, c'est ça, c'est qu'on veut que le mouvement pittoresque, on veut la présence de la nature. Ça fonctionne vraiment avec la thématique de manif. Exactement. Oui. Puis ça donne un côté laboratoire à l'espace, comme l'œuvre de Webster dans la galerie la collection permanente. Alors, au rez-de-chaussée, on a un artiste contemporain, George Shaw. C'est deux artistes anglais que Jonathan Watkins donc présente leur travail. George Shaw présente des peintures de l'espace extérieur, de l'espace urbain, de la banlieue, de détritus parfois dans la nature. Alors, c'est parfois assez... On s'interroge, mais il y a une espèce de commentaire sur le quotidien, le temps qui passe. C'est beaucoup de l'esthétique du banal aussi, de valoriser des choses qu'on oublie presque à force d'exister autour de ces choses-là. Là. Exactement. Mais avec une peinture à l'huile très, très, très, très, très exercée, très, très habile. Et à l'étage, on retrouve des estampes miniatures de l'artiste Thomas Bewick. Alors lui, donc, a été très actif fin 18e début 19e, elles sont donc écrites, il y a un dialogue qui se crée entre les deux étages et on est dans l'échelle où les tableaux de George Shaw sont assez petits et on est dans le miniature à l'étage, il faut s'asseoir, on s'assoit sur un petit banc pour être à l'aise et on les découvre vraiment avec une loupe. C'est un jeu quand même toujours un peu... C'est quand même stimulant puisqu'on... On doit s'attarder, on doit passer quelques minutes pour mm-hmm. découvrir l'œuvre. Qu'est-ce qui est représenté sur ces miniatures-là? La grande question. Oui! Alors, on est dans des, on est dans des scènes extérieures, campagnardes. OK. Et on est dans l'environnement domestique. Il y a des scénettes, il y a de l'humour, il y a différents sujets. Donc, ça vaut vraiment la peine. Des fois, il y a comme un chat perdu dans un baril. Il y a des gens sous, il y a des... Donc, c'est vraiment... Et ça servait, ces illustrations-là, gravures étaient insérées dans les journaux. Mmh. Et donc, il y a vraiment une pointe d'humour anglais, j'imagine, oui. tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage. Ouais. Donc, c'est vraiment agréable à visiter. Les deux, donc, parlent de des forces de la nature, parce que des fois, il y a comme des déluges aussi, des scènes un peu extraordinaires de l'environnement extérieur. Et ça parle aussi de la condition humaine. Mmh. Donc, il y a des notions de solitude, des notions de défis que l'humain rencontre au quotidien. Et il y a vraiment l'exploration existentielle là, de sujets sous le voile de sujets, donc apparence anodins. Et c'est jusqu'à quand? Je crois que les dates ne sont pas exactement les mêmes que le reste de la manif. Mais pas du tout. Alors, c'est jusqu'au 12 mai, alors qu'on va le découvrir dans l'agenda de la semaine. La manif, ça se termine cette semaine. Alors, exact. Si vous n'avez pas vu les expositions, il faut se lancer. Donc, au retour de la pause musicale, on écoute toujours l'artiste Cutside de son EP In Orbit. On y va avec l'agenda de la semaine. Alors, l'agenda de la semaine dans le monde des arts visuels. Vous écoutez donc l'émission de l'aérospatiale tire à sa fin. Donc, ce soir, ça déboutait à 18h au Musée national des Beaux-Arts. Il y avait, dans le cadre de la Manif d'art 9, la soirée VIP et de clôture de l'encampe Bénéfice. Demain, jeudi 18 avril, il y a un lancement à la librairie Pantoute à 5h. Oui, exactement. Donc, à 17h demain soir, il y a le lancement d'un livret sur un projet projet secret de manif. Donc, j'ai essayé de pas trop vous en dire parce que ça restera pas secret. Mais en fait, c'est un projet de l'artiste Onkawara qui a été installé dans une salle d'élèves d'une école à Limoilou. Donc, c'est seulement les élèves et l'enseignante de cette classes-là qui ont pu voir le projet. Puis là, c'est un petit livret explicatif sur ça. C'est pour en avoir entendu parler, là, ça vaut la peine d'au moins aller feuilleter le livret et d'être présent au lancement. Super! La Manif d'art nous réserve aussi des surprises. Vendredi, le 19 avril, à midi, il y a un dévoilement des emplacements de points de vue, une intervention dans l'espace public présentée par Martin Pantois. C'est une exposition satellite de Manif d'art. Mais je reviens à jeudi 18 avril, il y a un événement organisé dans le cadre de l'exposition « Terres éloquentes » de l'artiste Anne-Marie Proulx à la Maison de la littérature. La tente parlante, c'est un rassemblement donc tout l'après-midi à partir de midi devant la Maison de la littérature. Et il y a une soirée littéraire à partir de 19h sur la scène de la Maison de la littérature. L'admission est gratuite, mais il faut réserver sa place. Donc, rendez-vous sur le site de la Maison de la littérature pour plus d'informations. Il y a le finissage de jeudi, donc demain, de Territoire humain d'Isabelle Trépanier, qui est une jeune commissaire à la Manif d'art 9. C'est à Espace entre parenthèses. Alors ensuite, c'est la dernière semaine pour voir la Manif d'art qui se termine. Donc, au Musée national des beaux-arts, l'exposition centrale, ça se termine le 21 avril à Engram, l'or bleu québécois. C'est une source d'inspiration de Christiane Baumgartner. À la bande vidéo, Driftless de Felipe Castelblanco se termine. À l'espace américain de la galerie Vue, il y a Rika Noguchi et... Ensuite, à l'œil de poisson, c'est Animals and Furnitures de Lutz et Guggisberg. En plus de Infiltration de Mathieu Fecteau, Pascal Leblanc Lavigne et Fred Lebrasseur. Ça, c'était aussi dans le cadre du mois multi. Et à la Maison de la littérature, Terres éloquentes d'Anne-Marie Proulx se termine. Anna Klaus au musée Huron-Wendat aussi se termine. Et à Materia, Mutts and Mugs de Polly Apfelbaum se termine aussi, et tout le volet de l'art public à la Manif d'art. Donc, ça vous fait une fin de semaine bien remplie si vous voulez faire le tour de toutes ces expositions. Il y a aussi le volet jeune commissaire. Et du côté de la Galerie 3, c'est samedi, la dernière journée, pour visiter Andrea Morton. Donc, c'est ainsi que se termine... C'est ainsi que se termine l'émission de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion. Un merci à mes invités Myriam Leland, l'artiste Ludovic Bonnet, le commissaire Carl Johnson. Et merci à Jacques Gignac, le Marc Séguin de la mise en onde. Alors, ce soir, avec Pierre Blais, il y a l'émission... Hey, bonsoir! Bonsoir! Il y a Situation critique. Oui, cinéma. Et on s'en va ce soir. On va parler de drame fantastique, de documentaire, d'un film qui se déroule aussi au Kenya. Et on va aller en Afrique du Sud, on voyage pas à peu près. En Afrique du Sud, c'est un film familial, Miaille le lion blanc, donc ça s'adresse surtout aux enfants. Mais ce qui est réellement particulier, c'est que l'actrice qui joue dans le film, elle a été élevée, elle a grandi durant quoi, 4 ou 5 ans, avec un lionceau. Ce qui veut dire qu'ils l'ont vraiment filmé avec le lionceau jusqu'à l'âge adulte, donc les deux n'avaient pas besoin de protection, ils se connaissaient bien, ils s'aimaient bien, mais toute l'équipe technique, eux, était derrière un mur pour pas se faire attaquer par le lion en liberté. Donc, technique de tournage très, très particulier, et c'est de ce film dont on va parler ce soir à Situation critique, Mia et le lion blanc. Excellent, bonne émission, Pierre Blais. Je vous laisse, et la semaine prochaine, ce sera Jean-Tienne Lafrance qui sera du micro de l'aérospatiale. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique.